La vie n'ayant que 3 jours, hier, aujourd'hui et demain, ben, profitons donc d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à tous. À tout casser, titre extrait de la bande originale du film portant le même nom, et bien c'est à Johnny Hallyday que revient l'honneur de démarrer cette nouvelle émission de Salut les 60. Les Chirelles, Dexiacap et bien d'autres chanteurs, chanteuses et groupes bien suivront l'idole des jeunes durant les 2 heures que nous allons passer ensemble sur Radio Guémozo. Bye. Radio Les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. Cup, Chapel of Love, le tout c'était en 1964. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, le hit parade de février 1962 et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à France-Galles. Voilà, vous avez décidé de rester en notre compagnie, et bien c'est un très bon choix vu le temps qu'il fait. Merci de votre fidélité, excellent après-midi sur Radio Gémozo. Thank you.

1963, une chanson de Claude François, Marianne Mille, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme ça, pauvre petite fille riche. Sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Ses parents croyaient qu'ils s'amusaient. Ils n'ont pas voulu croire qu'ils t'aimaient, pauvre petite fille riche. Sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage où tous les deux, cet été vous étiez si heureux, pauvre petite fille riche. Influence phénoménale, surtout le mouvement rock des 60s. Guitariste surdoué, Chuck Berry est aussi un auteur. Carole est l'une de ses compositions. C'est d'ailleurs pourquoi Johnny Hallyday reprendra en 1964 sous ce titre de Chuck Berry dans ses albums Les Rocks les plus terribles. Don't let the heat over.

Diego Mozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Les filles pourraient te mener par le bout du nez. Tu es trop sûr de toi, prends garde à toi, un jour viendra. Fais attention, un jour viendra. Fais attention. Ton cœur un jour viendra. Fais attention. Un jour viendra. Fais attention. Le jour où l'on te dira je n'aime que toi, trop loin de toi je m'ennuie, ne me laisse pas. Le jour où l'on te verra marcher à son bras, moins fier, droit vers la mairie, on ira vers le toit. De Fais attention, la version originale, Find My Way Back Home, c'est dans le répertoire des Nashville Teens que nous allons la retrouver. Premier match, allez, premier choix pour vous sur Radio Game Ozo. Yeah, yeah. années 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Février 1962, sorti sur les écrans parisiens de Vie privée, un film de Louis Malle avec Brigitte Bardot. En ce mois de février 1962, Danny Boy et ses pénitents qui viennent de terminer leur tournée française sous le chapiteau du Cirque Pinder occupent avec À quel massacre la 49e place du hit parade. Je suis ramené dans ce maudit patelin. 12 heures de marche m'avaient brisé les reins. Mes potes et moi nous étions affamés et impossible de trouver à bouffer. Quel massacre! Quel massacre! J'aurais voulu m'en aller mais j'avais trop mal aux pieds. Il nous a fallu quand même rester. Un héritage nous avait attiré. Dans ce village aux maisons lézardées, je me voyais déjà nageant dans le pactole et les copains au volant de ma bagnole. Oh quel massacre, ouais. Oh quel massacre. J'aurais voulu m'en aller mais j'avais trop mal aux pieds. Il nous a fallu quand même rester, ouais. Le lendemain on se pointe chez le notaire. Même pas 10 balles avait légué le grand-père. À croire que le vieux avant de s'en aller avait tout croqué pour rien nous laisser. Oh quel massacre, ouais. Oh quel massacre. J'aurais voulu m'en aller mais j'avais trop mal aux pieds. Il nous a fallu quand même rester. Si j'avais pu deviner, c'est pas comme ça que ça se serait passé. J'aurais coupé les vivres à mon pépé, fini tabac, alcool et petite mémé. Mais, à quel massacre, ouais, ouais. À quel massacre. Nous nous sommes taillés sans le magot du pépé. Adieu les beaux rêves argentés. Nous nous sommes taillés sans le magot du pépé. Adieu les beaux rêves argentés. Nous nous sommes taillés sans le magot du pépé. Adieu les beaux rêves argentés. Nous sommes taillés sans le magot du pépé. Adieu les beaux rêves argentés. Avec Good Luck Charm, on progresse de deux places et l'on retrouve à la 47e place du hit parade le King Elvis Presley. Oh yeah. Don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. I want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to hold, tonight. Don't a silver dollar. A rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to hope, tonight. Tonight. If I found a lucky penny, I'd toss it across the bay. Somebody goofed. Your love is worth all the gold on earth. No wonder that I say.

robe que je mets. Ah, par ma main, jusqu'au petit matin. Par ma main, jusqu'au petit matin. Tourne ton état du pied. Ma robe que je mets. Et ton père n'aime pas le twist. Non, non, non, ta mère en est toute triste. Tourne ton état du pied. Ma robe que je mets. J'entends le twist. J'entends Picard. J'entends le twist. Toujours le ton est à plus peu. Ma robe est pour vous mais. Ah, viens prouver. Viens lancer le twist. Viens prouver. Viens danser le twist. Ma robe, je peux vous faire. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Oui. Ce soir, Henri Salvador fut l'un des tout premiers en France à chanter du rock'n'roll. Dans une prochaine émission, je vous ferai découvrir ces fameux rocks, des rocks signés Boris Vian. Allez, c'est promis. Jane Vincent, Brand New Beat, retour au rock pur et sauvage des pionniers. Well, it's a brand new beat. Well, I just got the word. Well, it's the darnest beat that you ever heard. Well, it goes bop, bop, do, bop, bop, do. Well, it's a lovely part. Just a beat for you. Well, it's a brand new squeeze. Just a waiting for you. Well, it's a darnest squeeze. I'm gonna try it on you. Oh, you go whoa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, around with my feet off the ground. Do you hear my beat? Well, it's the latest thing. You wanna try to squeeze? Hope we can really swing. Well, it goes bop, bop, doo, doo, bop, bop, doo. Well, that's a brand new love. I'm gonna give it to you. Yeah. Do you hear my beat? Well, it's the latest thing. You wanna try to squeeze? Hope we can really swing. Yeah, you'll bump, bump, do, do, do. Bump, bump, do. I got a brand new love. I'm gonna ride to you. Yeah. Well, it's a brand new beat. Well, I just got the word. Well, it's the darndest beat that you ever heard. It goes bump, bump, doo, doo, bump, bump, doo. It's a lovely heart. Well, just a beating for you. Just a beating for you. Just a beating for you. Just a beating.

Gravement malade, il lutte pour la vie. Franck Alamo, je me bats pour gagner. Opposé pour ce deuxième match, Hardest Night des Beatles. Adaptation ou version originale sur Radio Gemozo. Allez, c'est à vous de choisir. It's been a hard day's night, and I've been working like a thumb. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lump. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Go on to Alabama, back from Texarkana. Put all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Put all around the world. Gérard, c'est roquement bon. Oui, j'ai bien fini, Charlie, de t'aimer. À présent, tu peux bien t'en aller à tout jamais, oh Charlie. Oui, c'est fini, oh Charlie. Je sortirai tout seul ce soir, ouais. Et tu pourras dire que c'est ta faute si cet amour-là n'est plus le nôtre, oh Charlie. Oui, c'est fini, oh Charlie. Je sortirai tout seul ce soir, ouais. Quand je reverrai ton faux sourire, dis-toi qu'au fond de mon cœur il ne voudra plus rien dire, oh Charlie. Oui, c'est fini, oh Charlie. Je sortirai tout seul ce soir, yeah. Tu n'as rien vu et j'ai perdu, oh Charlie. Oui, c'est fini, oh Charlie. Je sortirai tout seul ce soir, ouais. Et maintenant, je le vois, ne fut une joie. Tu as vraiment tout caché car tu ne pensais qu'à toi, oh Charlie. Oui, c'est fini, oh Charlie. Je sortirai tout seul ce soir, ouais. Je sortirai tout seul ce soir. Je sortirai tout seul ce soir, et tout seul ce soir, je ne veux plus te revoir. Je sortirai tout seul, ce soir. Allez, soyons modestes avec Gérard. C'est rockement bon, eh oui. Johnny Hallyday, Sally, reprise du Long Tall Sally, l'un des classiques du rock'n'roll. Titre extrait de l'album Les Rocks les plus terribles, sorti en 1964. Deux ans plus tard, en 1966, Sheila sort un nouveau titre dans la même veine que L'école est finie. Bon, il n'y a pas de raison, L'école est finie, ça a été un super tube. Eh bien, voici le nouveau tube de chez là, l'heure de la sortie. Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Et nous travaillons tous soir et matin afin de gagner notre pain quotidien. Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins. Mais que l'on soit mannequin, on est tous d'accord sur un point. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Pourtant nous sommes ravis en somme d'avoir choisi un métier qui nous plaît. Faudrait pas croire que tout au long de la journée, on n'est qu'une idée. Allez se promener. Mais quel dommage que d'être en cage lorsqu'on aperçoit le soleil dehors et qu'il faut finir le travail d'abord. On doit vraiment faire un effort. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Comme moi, c'est lui que j'aime, toujours le même. Je me souviens quand j'allais avec lui chanter dans la rue, l'école est finie. Rien n'a vraiment changé depuis. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année.

well. Well, Lord, I want to be that number when I'm rapping, got the wailing in. Rock and roll. Well, when the Thomas rock and roll. Yeah, Lord, I want to be in that number when the Thomas play rock and roll. All together now. Radio, Play branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. France-Galles, Isabelle, car c'est son vrai prénom, est née le 9 octobre 1947 à Paris. Elle est la fille de Robert Galles, ancien chanteur lyrique et compositeur, et de sa femme Cécile, musicienne. En 1963, durant les vacances de Pâques, son père lui conseille d'enregistrer quelques chansons sur un magnétophone, bande qu'il confie à un ami, Denis Bourgeois, des éditions Bagatelle. Le jour de son 16e anniversaire, sa mère la réveille et France Galles reçoit le baptême des ondes sur Europe numéro 1 qui diffuse « Ne sois pas si bête ». Elle signe chez Philips et enregistre son premier 45 tours. Début 65, son père lui concocte un nouveau titre qui reste encore aujourd'hui pour le public un des morceaux phares de son répertoire. Et oui, tout le monde s'en souvient. Sacré Charlemagne se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. Sélectionné pour représenter le Luxembourg au Grand Prix de l'Eurovision à Naples avec Poupée de cire, Poupée de son, composée pour la circonstance par Serge Gainsbourg, le 20 mars 1965, devant 150 millions de téléspectateurs et plébiscité par le jury, France Galles se retrouve à la première place et devient vedette internationale. Puis elle va rencontrer Michel Berger, son futur époux, qui va l'aider à devenir une star. Petite par la taille, grande par le talent, France Galles, tout comme Sheila, Sylvie Vartan ou Françoise Hardy, a marqué de son empreinte la musique des années 60. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains de moi, car tu

Les Beatles, Twist and Shout, nous étions en 1963 et nous y resterons. En effet, c'est en janvier 1963 que Sylvie Vartan sort son nouveau 45 tours sur lequel figure « Moi, je pense encore à toi », dansons, m'amuser et le joyau du disque « Tous mes copains », une balade signée Jean-Jacques Debout. La légende en musique sur Radio Gémozo. Mash potato, say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mash potato, say tu me ravages les mêmes choses tous les soirs. Ça va comme ça, arrête de broyer du noir. Oui, arrête de broyer du noir. Hey, hey, hey, hey, au lieu de broyer du noir, viens donc broyer des potatoes. Mais tu ne m'écoutes même pas, ça y est, tu remets ça. Tu causes et patati et patatos. Hey, pendant qu'une fille est dans ce mash potato. Oui, elle est dans ce mash potato. Hey, hey, hey, hey, là tu vas voir, t'oublieras tout et pourquoi. Oui, t'oublieras tout et pourquoi. Car tu peux pas. Peux pas toucher, peux pas tâter, peux pas tato. Hey, ça y est, ça marche, je suis dans ce mash potato. Mash potato. Pendant que vie est dans ce mash potato. Oui, dans ce mash potato. Hey, hey, hey, hey, hey, tu va voir tout dire à tous les popos. Oui, tout dire à tous les popos. Car tu peux pas toucher, peux pas tâter, peux pas tatouer. Ça y est, ça marche, tu danses le mash potato. Just a little bit of soul. Claude François et Potatoes, le match Potatoes, l'une des danses qui essaya en fin 62, début 63, de détrôner le twist. Voici le moment de se quitter, voici le moment de faire un petit tour dans nos programmes, voir ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Eh bien, dès 10h dimanche, rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Lundi, dès 15h, émission en direct sur les années 60, bien sûr. Et puis, vous pouvez retrouver Salut les 60 tous les jours, quand vous le voulez, sur radioguemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine à l'écoute de Radio Guemozo, et je vous dis à lundi prochain. Ciao. We'll be right back.